chan. Si ou pa ma vere solide, se raze pou kapon. Si rekot pa ban jadi, l'espoir se pou l'onde poche. Pa kriye mize nan, si piti tou kaba ou l'amou. Pa kriye mize fan, si piti tou kaba ou l'amou. Pour mettre